Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures et je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration à la recherche de Denis Marchand et je tiens à souligner aussi la participation de certains collaborateurs qui, grâce à leurs commentaires, font évoluer l'émission en amélioration continue et j'ai nommé Louis et Noël Douville, Robert Blanchette et Yves Farley. Aujourd'hui à l'émission, nous avons d'Ukraine Carfagen, d'Estonie Indrek Pathé, d'Espagne, Cheetos Magazine, de France, Nemo, d'Allemagne, Osta LCVE, des États-Unis, Ziptang, de Pologne, Riverside, de Grèce, Naxatras et No Brain Cell, deux formations récentes. Et dans le bloc 4, consacré aux pionniers du rock progressif, nous aurons la formation italienne Neutrals, ainsi que les nominés dans le palmarès de la revue Rolling Stone en position... la position, je la nommerai plus tard, c'est Supertramp et Magma. Alors, on débute immédiatement l'émission avec une formation ukrainienne du nom de Carfagen. Ils viennent de produire un septième album et le nom de l'album est sans surprise Seven. Et le groupe Carfagen, sous la joule d'Anthony Kalugin, qui est en fait l'équivalent de Fabio Zuventi du côté de l'Ukraine. Il participe aussi à plusieurs autres projets, et Carfagen étant le plus populaire. Alors, on va entendre la pièce « Hopeless Dreamer ». Voici Carfagen. Passion is story in a vertigo tale, losing consciousness, hates you seek to scale. Passionate people in a permanent trance, there's a blazing ripple in a fake romance. And you're riding the storm. Seems like you're all alone. Roads keep rolling, searching for love. Hopeless dreamer, longing for love. C'était la formation ukrainienne Carfagen avec la pièce Hopeless Dreamer et c'est extrait de leur plus récent album Seven qui est paru il y a quelques semaines. Notre prochain artiste provient de d'Estonie. Son nom c'est Indrek Pate. C'est un multi-instrumentiste qui a participé à plusieurs projets comme musicien de studio depuis presque 45 ans. Et depuis 2011, il a décidé d'en disquer. Son premier album, Celebration, est paru en 2011. Et en 2014, le deuxième album, Tank and Chair. Et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce Dance in Liveland. Alors voici Indrek Pate. Alors, c'était la formation Indrek Pâté d'Estonie avec la pièce Dance in Livland et ses extraits du premier album du groupe paru en 2014, Tank and Share. En fait, c'est le deuxième album du groupe. Alors, on va conclure le deuxième bloc de l'émission avec une formation, une nouvelle formation espagnole du nom de Cheetos Magazine. Il y a un an, ils ont produit leur premier opus qui s'intitule Boiling Fold et on va entendre la pièce Octopus Soup. Voici Cheetos Magazine. Thank you. C'était la formation espagnole Cheetos Magazine avec la pièce Octopus Soup et c'est extrait de leur seul album paru en 2014, Boiling Falls. Après la pause, Nemo, Osta El... Alors, on débute ce deuxième bloc avec la formation française Nemo qui vient de faire paraître son 9e album qui s'intitule Coma et on va entendre la pièce Train Fantôme. We'll be right back.

C'était Nemo, la formation française avec la pièce Train Fantôme. C'est extrait de Coma, leur plus récent album qui est paru il y a quelques semaines. C'est un album double qui, soit dit en passant, est déjà coté 4.34 sur Prog Archives. C'est un très bon album, je recommande très fortement. On enchaîne avec une formation allemande du nom de Osta LCVE, qui a un album à son actif et un deuxième qui vient tout juste de paraître, mais il n'est pas encore sorti, c'est-à-dire il est en gestation. Et on va faire un rappel de 2013 avec la pièce The Guards, qui est extraite de Good Morning Dystopia. Alors voici Osta LCVE. Silences. Please cleave the station. Alors, c'était la formation Osta LCVE d'Allemagne avec la pièce The Guards et c'est extrait de leur seul album paru en 2013, Good Morning Dystopia. Je mentionnais au début de la pièce qu'un nouvel album est en préparation et ça devrait sortir d'ici une semaine ou deux. On va terminer le deuxième bloc avec une formation américaine du nom de Zip Tang. C'est une formation qui est active depuis le début des années 2000. On leur connaît déjà 5 albums publiés. Et ce qu'on va entendre, c'est l'avant-dernier qui s'intitule Das Reboot. Das Reboot, il y a une petite erreur sur la transcription. Et on va entendre Butterfly Tattoos. Alors voici Zip Tang. Give me a song, man. There's nothing there, there's nothing there to erase. Up in a place where nobody knows. Let this escape. Now she confronts the demon. She's got something to lose. Alors, venez d'entendre la formation américaine Zip Tang avec la pièce Butterfly Tattoos et c'est extrait de l'avant-dernier album qui s'intitule Das Reboot et c'est paru en 2013. Après la pause, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous débutons le troisième bloc de l'émission avec la formation polonaise Riverside qui, soit dit en passant, nous ont fait une prestation de choix à Québec et à Montréal cette fin de semaine. Et selon Sam Girard, ce fut un spectacle très haut en qualité. Et le rappel n'est nul autre, la pièce de rappel n'est nul autre que la pièce de Same River qui est parue sur le premier album du groupe en 2003. Out of Myself, et c'est la pièce que je vous présente à l'instant. Thank you. stuck in what we need, but no one to blame. Alors, vous venez d'entendre la formation polonaise Riverside avec la pièce The Same River. C'est extrait du premier album paru en 2003, Out of Myself. On va conclure le troisième bloc de l'émission avec deux formations de Grèce. La première, c'est Naxatras et la deuxième, No Brain Cell. La première étant un peu plus orienté psychédélique space, et la deuxième un peu comparable à Porcupine Tree. Alors Naxatras, un premier album éponyme paru cette année, et la pièce qu'on va entendre, c'est Space Tunnel. Et No Brain Cell, qui a aussi un seul album paru en 2014 qui s'appelle Monuments, et on va entendre Men of Silence, les deux pièces en rafale sans interruption. Who's walking? Alors, c'était la formation grecque No Brain Cell avec la pièce Man of Silence. C'était extrait de Monuments qui est paru en 2014 et ça a été précédé de la formation Naxatras, aussi de Grèce. Et on a entendu Space Tunnel et c'est extrait de l'album éponyme qui est paru cette année. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes rendus au dernier bloc de l'émission qui est habituellement consacré aux pionniers du rock progressif. Et nous avons en entrée de bloc une formation italienne du nom de New Trolls. Et c'est une formation qui existe depuis 1968, presque une vingtaine d'albums à leur actif, jusqu'en 2013 du moins. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait d'un album concept paru en 2007, je crois. Oui, 2007. Et ça s'appelle Concerto Grosso de Seven Seasons. On va entendre trois pièces qu'on nomme, une petite seconde. The Season of Hope, Simply Angels et Soce Si Sai. Alors voici New Trolls. Thank you. si impossessa di me. Movimenti lenti come se io fossi entrato dentro un mondo non mio. Una dimensione che ti risveglia per portarti da me. Il tuo amore vaga in cerca di me, com'è forte la presenza di te. Tua voce un canto, una poesia, quella voglia di sentirti più mia, una sensazione che mischia il fuoco e l'acqua dentro di me. Non ti vedo ma lo so che ci sei. Sento C'était So Che Ci Sei, et ça a été précédé par Simply Angels, et on a débuté avec The Season of Hope. Les trois pièces sont extraites de l'album paru en 2007, Concerto Grosso de Seven Seasons, par la formation italienne New Trolls. On est maintenant rendu au palmarès du magazine Rolling Stone avec la position 27, et c'est Supertramp. Et l'album retenu, c'est The Crime of the Century, et on va aller immédiatement à la pièce titre de l'album. Now they're planning the crime of the century. Well, what will it be? Read all about their scheme. And adventuring, yes, it's well worth the fee. blushed, greed and glory. Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. Alors, c'était la position 27 du palmarès Rolling Stone avec Supertramp et The Crime of the Century. Alors, on va conclure l'émission avec le deuxième album du palmarès Rolling Stone qu'on a retenu. C'est la position 24 avec Magma, ce groupe de France qui est actif depuis 1970. Et encore aujourd'hui, on les a entendus à Québec le printemps passé, c'est-à-dire à Victoriaville. Et ils ont aussi produit un album cette année. le 13e du groupe. Alors, ce que la revue Rolling Stone a retenu comme meilleur album du groupe, c'est le 3e qui s'appelle Mécanique Destructive Commando. Et on va entendre la pièce Mécanique Commando. Alors, voici Magma. Et cherchez pas à comprendre le langage, c'est du Kobayan, un langage inventé par le groupe. Et ce qui le qualifie d'ailleurs dans la catégorie Zeul. Alors voici Magma. Alors, c'était Magma en position 24 du palmarès de la revue Rolling Stones avec la pièce Mécanique Commando et c'est extrait de l'album Mécanique Destructive Commando paru en 1973. Alors, j'espère